J'arrive, je débarque mes rimes. Je représente région centre et mon son c'est pour tous mes intimes. C'est des RK au micro et t'inquiète, ça c'est pas du son de victime. 18-240, voilà mon numéro d'écrou et mon numéro de ma team. Je pète coupable car ces putains de flics méritent. Sarkozy, j'ai envie de te douiller avec mon brolic. Ici c'est CC, shit, viol, excès. J'enculerai cette France jusqu'à mon décès. 2010, il est temps de se révolter. Y'en a marre d'être boycotté par des PD. Cette putain de France, ça m'en a fait trop voir, Apple est doté. Et aussi, je passe une dédicace à monsieur le procureur, t'es qu'un putain d'enculé. Dans ma tête, dans mon rap, je suis trop baisé. Depuis tout petit, je fais du blaire, tout en traînant dans ces putains de galères. Moi, je préfère être posé sur ce putain de terre-terre, tout en fumant des gros joints de BR. Moi, je te dis, y'a pas besoin d'habiter dans une cité pour faire du putain de blaire. 2010, charge mon gun parce que j'ai les nerfs. À mort, ce putain de commissariat, à mort, enculé de commissaire. Au micro, c'est des RK, un peu de la galère. Après mon décès, on se retrouvera en enfer. Putain, soir, je sais pas ce qui m'arrive, je suis d'une heure à faire des lyrics explicites. Bah ouais, tu croyais quoi, je suis un putain de tolère, un putain de terroriste. Tu vois, maintenant, ça a mort les sentiments. Si tu payes pas content, je te rends dedans. Si tu passes le délai, ça sera ton enterrement. Ça crois-moi, c'est pas marrant, ils cassent nos portes de nos appartements. J'encule le CSA, ça se dira pas indépendant. J'arrive les poings liés pour me casser ses dents. Mes rimes, c'est l'allumette, mon beat, c'est le baril d'essence. Ça, c'est du son 100% interdit aux balances. Après une rafale de balles, le sang s'écoule lentement. J'arrive, je débarque mes rimes. Et j'ai une pensée aussi envers tous ceux au car plat. Mais ensemble, tu vois, ça se passe comme ça. Je dégaine mon brolic contre cette France sordide. Ça t'entend, c'est du langage cru, lyrics explicite. Pape car la poisse mérite et ses putains flics aussi. C'est des RK ou MIC. Ici c'est CC, shit, viol, excès. En français, je te chie dessus, viens pas tester. Parce que tu vois, moi dans ma tête, je suis un peu trop taré, baisé. 18, viens représenter. Écoute ça, ro, avant que tu finisses mort allongé dans le caniveau. Sarko, gros fils de pute, j'aurai ta peau. Au micro, ro, je lance des rimes volcaniques. J'encule cette France, cette politique.